nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Et l'on se retrouve avec Henri Denaou pour Henta Brezonek, émission 468, Pevaran Eizatriugen, c'est ça? Juste marat. Et alors, aujourd'hui, le mot de Guerriou Orvu, c'est Baras. C'est un mot qui n'est pas très courant et qui désigne un baquet, c'est-à-dire la moitié d'une barrique, quoi, hein, ou une auge en bois. Alors c'est un mot qui est très ancien et qui a été emprunté au bas latin barata, hein, donc qui serait, d'après Albert Dehay, un mot d'origine scandinave et qui a donné également le français barat. Donc en breton, baras, hein, c'est un baquet et c'est un mot féminin. Donc après l'article, on aura hervaras, par exemple, un paquet, ou hervaras, le baquet. Et le pluriel, c'est barasiou. Voilà. Alors ici, dans le pays ici, on n'entend pas souvent ce mot-là, parce qu'il y a un autre mot qui est penton. Penton, qui est un mot hybride entre le français et le breton, qui veut dire le bout de la tonne. Pen, la tête, hein, et tonne, une tonne. Hein. Voilà, bout de tonne. Et c'est un mot masculin, donc qui a chez nous le sens. Bon, quand on dit hors penton, tout le monde comprend de quoi il. De quoi il s'agit, mais il y a d'autres sens. Par exemple, au niveau maritime, là, c'est un rafio, quoi, un bateau pas très fiable, quoi. On imagine effectivement naviguer sur un penton, quoi, une coque, voilà. Et c'est aussi un saloir, hein. Un saloir en bois, puisque les saloirs se faisaient souvent en bois comme ça. Et d'ailleurs, quand on a la représentation de Saint-Nicolas, il y a souvent les trois petits-enfants dans un saloir, là, qu'il avait ressuscité, hein, ils avaient été découpés et mélangés à de la viande de porc, et Saint-Nicolas les a ressuscités, ce qui est pas mal quand même. Hein. Oui. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'il est devenu le patron des enfants, et puis une sorte de Père Noël avant l'heure, en fait. Voilà. Alors, Penton. Donc, c'était très utilisé, hein, autrefois, hein, à différents usages. Hein. Et par exemple, c'était la salle de bain aussi, hein, dans les campagnes, autrefois. Hein. Moi, j'ai été lavé là-dedans les jours de pardon. Hein. Penton. Et pentoniat, c'est le contenu, pentoniat. Alors, le mot baras, je dis, il n'est pas très fréquent, en particulier ici. Par contre, le mot qui désigne le tonnelier, baraser, par hasard, hein, est beaucoup plus fréquent, quoi. Encore que le métier soit pas très répandu en Bretagne. Le grand-père de mon grand-père, Henri Hamon, était tonnelier. Et à Melpestivien. Donc, différents villages de Melpestivien. Il a exercé la profession de tonnelier. Et c'est le seul que j'ai trouvé dans l'état civil, dans les archives. Le seul tonnelier, c'est celui-là. Ça, c'est assez particulier parce qu'il y avait quand même pas mal de tonneaux ici. Alors les gens le faisaient eux-mêmes ou ça venait d'ailleurs, quoi ? Non, ils venaient d'ailleurs. En général, c'était des barriques qui étaient récupérées, des barriques de Porto en particulier, qui étaient récupérées dans les ports. Ouais, mais d'ailleurs, ces barriques étaient démontées et transportées, démontées comme un fagot et remontées sur place, quoi. D'accord. Et puis, ils devaient faire des réparations, pas mal de réparations, quoi. De recerclage aussi, quoi. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'en Bretagne, il y avait, étant donné le nombre de ports, il y avait pas mal de barriques qui ne retournaient pas. Hein. Elles venaient chargées de vin ou de Porto, comme je l'ai dit, et restaient sur place, quoi. Voilà. Donc il y avait un marché de l'occasion, quoi. Donc Barazer est un nom de famille, hein, qu'on trouve aussi dans le Léon sous la forme Barazer. Hein. Voilà. Alors, à partir de Baras aussi, il y a des mots plus longs qui ont été, par exemple, Herbarazeres. Donc là, c'est un mot masculin qui veut dire la tonnellerie, c'est-à-dire le métier, quoi. Herbarazeres. Tandis que Hervarazeres, au féminin, donc c'est l'atelier du tonnelier, quoi. Donc on trouve les deux mots, mais ils n'ont pas le même sens. Voilà. Alors, un petit proverbe, là, Or, Barazer Award Rehuis m'avait trouvé Barzer Peace. Donc, le tonnelier sait, rien qu'à l'odeur, s'il y a quelque chose de bon dans la barrique. Or, Peace, c'est la pièce, hein. C'est utilisé aussi pour la barrique. Ça, j'ai trouvé ce proverbe-là dans un article de Martial Ménard, dans Ouest France, du 13 juillet 2014. Alors, il y a aussi d'autres termes, baritien, hein, baritien, varitien, zone warivaritien, hein, le sonneur, on représente les sonneurs sur la barrique, voilà, varitien, nantor varitien, hein, donc la barrique c'est 220 litres, la demi-barrique, nantor varitien, c'est 110 litres, hein, c'est un fût de 110 litres. Et puis, il y avait le Pemkart aussi, le 5 quarts, quoi, qui fait 275 litres. Oui, c'est un peu plus grand que la barrique, quoi. Voilà. Et le tonneau, normalement, c'est 3 barriques, quoi. Voilà. Eh ben, on va terminer sur la barrique. Comme les sonneurs. Deuxième partie d'Enter Brezhonek, Brezhonek Tamatam, et ça ne va pas être un dialogue aujourd'hui. Non, aujourd'hui j'avais envie de parler de quelqu'un qui vient de nous quitter, là, dernièrement, le 30 juin, c'est l'abbé Joseph Lervian. Donc, Job pour ses paroissiens, hein. Donc, qui est décédé. Alors, il était né en 1919 à Ploubazlalek. Il avait fait ses études de prêtre au grand séminaire de Saint-Brieuc. Alors ensuite, pendant 25 ans, de 1945 à 1970, il a dirigé l'école Saint-Pierre de Plaisidy, qui est à l'endroit où se trouve le collège d'Iwan aujourd'hui. Et ensuite, pendant près de 30 ans, il a été recteur de Kyrgyz Mouelou et de Tremargat. Donc, il était recteur, comme il le disait lui-même. C'était un titre auquel il tenait beaucoup. Il disait, je suis recteur et non pas curé, quoi. On peut expliquer peut-être la différence. Oui, alors lui, il disait que le recteur, c'était le recteur de tout le monde. Le curé, c'est le chef d'une église, mais lui, il était le recteur de tout le monde. C'est-à-dire, pour lui, c'était une charge communale, pratiquement, quoi. Donc, il était le recteur à la fois des croyants, des incroyants, de tout le monde, c'était. Donc, c'est pour ça qu'il préférait, on dit en breton, « notre personne ». Alors c'était un homme jovial, mais qui était ferme dans ses convictions. Un esprit vif et plein d'humour. Humour parfois féroce. Hein. Alors lui, l'homme de la côte, il s'était très bien adapté. Il s'était enraciné à Kyrgyz et Tremargat. Et d'ailleurs, parfois il signait Job Kyrgyz. Il y a certaines de ses œuvres qui sont signées Job Kyrgyz. Alors il avait créé une petite maison d'édition, un tourtant, avec son ami Pierre Le Gall, donc qui était un érudit, un prêtre érudit qui était allé passer un an à Jérusalem et qui maniait très bien l'hébreu. Et donc il s'était lancé dans la traduction de la Bible en breton. donc qui a été publié par une tourtante, justement, en 5 volumes. Alors, en 1983, une tourtante a publié aussi un recueil de cantiques bretons, cantiques ou brezhoneg, qui sont les cantiques traditionnels, mais un petit peu modifiés. Il y a certains mots qui ont été remplacés et puis un petit peu modernisés, quoi. Donc, en 1992, il a traduit également le catéchisme officiel de l'Église catholique en breton. Alors, il a également publié de nombreuses choses, de nombreuses études. Par exemple, il a fait une monographie sur l'Église de Kergrist et son histoire. Et il a vraiment participé avec quelques autres prêtres à créer une liturgie moderne en langue bretonne avec traduction de tous les textes, hein, tous les psaumes, les vêpres, etc. Alors, donc, en 1975, il a créé avec quelques habitants de Kergrist-Moëlou une association pour rénover la chapelle de Lille qui était complètement en ruine et qui aujourd'hui est un bel édifice. Hein. Ils ont fêté les 40 ans de l'association cette année. Voilà, donc il s'est également impliqué dans l'équipe de football de Kergrist, dont il était supporter, et bon, il était dans le bureau, et puis voilà, il suivait l'affaire de très près, il faisait l'arbitre aussi. Et puis dans le comité de jumelage avec l'Irlande, là, il a été également très actif. Alors pour l'ensemble de son œuvre, il a reçu en 1988 le prix Xavier de l'Anglais, Xavier Langlais en breton, hein, et en 1996, le collier de l'Hermine. Voilà. Alors, beaucoup de choses, beaucoup de travail. Malheureusement, il n'a pas réussi à faire tellement avancer la cause du breton dans l'Église, hein, parce que dans l'Église, comme ailleurs, les Jacobins sont un peu les maîtres. Hein, et bon, son œuvre, finalement, n'est pas très connue. Bon, je pense qu'un jour, on lui reconnaîtra son travail et que ça servira à d'autres pour avancer à nouveau. Voilà. Donc, voilà, très, très résumé ce qu'on peut dire sur Job Lervian. Alors, moi, j'en garde un souvenir. Enfin, tous ceux qui l'ont connu en gardent un souvenir impérissable parce que c'était une personnalité et quelqu'un qui ne se laissait pas guider dans ses convictions, quoi. Quelqu'un qui y tenait ferme. Voilà, qui est là-haut, Job Lervian. Troisième partie de Hent a Brezhoneg. Petez o neve a vro heri. Ben, kalz a draou e vel jus boer vej di ouzan. Krogom de diantan vel kiz a custum gant la bourdouar a gervu e war ar mez. Et donc vraiment ba kreiz un nom a pelar in mod. Hag bra war e bet un nom zor bet a bremañ. Ne ke berezer, dur kalz l'er yo brovranz man zerou, an me mestraz o bet o bandour. A dis bonze so mad vid en trevadou. Prestig mamez vo der an edou, hag te yo adare mare en est. Hag gwellomeuz deja vid en neyo a krog en trao. Hag bonze spi meuz vo trevadou mad ba vro. War dro elor bourdouar zo bepred kudenou, pu dire ces causes aux manifestants d'égout, quand Zaverian Zout, Zaverian Mort, pu dire Chomoraïs et leur prise, ne ce que moyen quand de prise, vépède un trou de Béa Hargo, Zuroir, vos terres de jeu, bandé ou de zone, ouais, de vous. Quand ce drôle avait mon entendu voir un endro, vraiment, quand ce reuse, zo, marrément, quand affaire, glasquerien dans le vésu, par un douar, quel peut, comme je me suis déjà de ce strola de douar d'idoul, ag, jusement, me s'hatkave de penadou scrivet, ou abé scrivet, babla onega trugen, war, gazette un télégramme, war, un dude aux classes d'Andvez, ou dit ce bandoua. Ag, n'est que tant bémé me s'mo de pes vigélar et de houls, vel pes vélar et vraiment. Puis dur, bon de houls, vigé, un em classe cou vigé grède gander BRGM. Ag, bon, un dude jongé à mames, ba gazetten. Oisé or spi, vidio renor bro. Ag, bon, l'art un règne, bon. De houl se vigé que comme ce de zenendro tombé, n'a de ce zotradur, même ce vide de PVG classe que plomb, pétrom en uranium, ben douar, ag bon calze spi ou avanzé, là, red, m'avait quand zé ben douar, zé vos bin vidig, zé vide en vro, ag bon, de hugen la waler, n'est que même ce mot chin, un dune n'en que de cri de ba, bar zentrog, zé chin, ag zo mur end up quoi. Ag on sait vegwell a war pis sa mot de change un trou. Dans mon temps vraiment war dash en or politique RS. Ba fine blav ou or vota dégou. Et vide rendvro. A grandement braise vos casse tud ba or brejou ma peu soin de husul rendvro. Ag bon krog et un trou de vir vin un temps. Déjà, Krog Christian Troidec de Gambali, et vide d'Ivenerian Brace, puis dire de ce guet d'Orstrolat, quand tout de réseau sens de Ziven Brace, bon peut-être. Ag, bon, et Krog Christian Troidec de Rontam Trouz, de Gambali, bon, ben, mordé, hein. Ag, deuxième-tu socialiste, avec Clève Calze Drouz, puis dire DNB Noir, Peter Rey, notre Le Drian, Bénéfine. L'arneuse t'es fait, bah, liste de Morbihan, mais ma treizeaine, pas eu l'or, bonne, avec guard, Peter Rey. Ag, bonne, sais-tu, potier socialiste, de Warren, que pète de l'art à l'Oise. Mais, mestra, bonne, arres, mesguel, et wabid, Manuel Valls, or, on tombe trop, war, et ne se ça. Ag, ne se l'art, de wa, du, et vite guelad, stad, yezu, guasque, de vel en brison, a gansé vez ante mods ou vota dégout de zon, peut dire, peve vota dégout dis, ve grel on tom promesse ou warze, kaider mod, hein, zézo fin du soir, bonne promesse ou ave en quoi de des waler, mais de, bon peut ve zulgoui, je vais grel zé, hein, vel, zo be grel vite carte à, yézou, bonne der mod ve promesse ou dis, hein, ag, bonne zuroir ben tuel, vos mameuse mods, peut dire, vos casses d'un trou grand margueur fur, à Zuroir, vos tiens modèles le promesse ou, un meuseré, à peu près, hein. À vos une quoi, de Waller, un ni vos crayons, ben, en quoi oser, du stu Waller. Comme ce mois d'arrevige, végèle, race de ze lignen, hentouarn, zo tregwen, gamma pempoul, plus dur, lignen ze zo, un or stade valtré, ag danger usoir et la cad bon un train irait en mon divon noir nen bon c'est tu vraiment zolaret guiré velar en vota des goton ag red classe qu'on tombe on tombe en ag vos red cas très grand million d'euros yo et vite à tiens penelinen ag bon des que bras encore de très grand million d'euros yo dis ça leur stade refait Hugen Dragon Rendvro de Hugen Dragon, bon, dans mer en oise, quand, strolader par rouge ou trop drôle, ag, peurès, nahan, ne fait bien, rouot, quand, SNCF, rawar, l'iné, nous, quoi. Bon, gueldo, ag, vous, adresse de, Elinen Hentuan, PSVFB, Londrava, DV juste, hein, Vidorvro, Adraistol, Vidbro, Pempoul. Bon, dans mon temps, moi, Ardache, en heure Zévenadio, heure plard de Zlanune, Jacques Zerlé, à Zohanemad, en de scrive de, au Lever, de ce que Walbelzo, war Strolat, scrive en aérien, Vigéhaune de le Parnasse breton. Avec, bon, c'est souvent quoi, dans le temps, hein, vraiment, mais le Parnasse breton, ou à Bécrou, et de Louis Tiercelin, Hinsre Péjouhuari, on dit une brûle de trive de Hulse. Bon, n'est que Gualhana Vetchin, hein, ma treize Norvège Penek, vous ratkav, Yoverou. Ag, un denel, ou à Labour à Gantan, ou à Joseph Guy Repars, ou à Nozer Zoneres de Gwen Gambin, et ce Guamab de Sigismond Repars. Sigismond Repars, ou on dit une disque bras, ou à Glader Vro, ag, bon, Scriven de Stroh, ou à Gwen Gambin, ou à Revro, en me, Végénam sortait de Rantam Tro, Bavro, en me, le scrive de War Chapel, Lor, War Traudis. Ag, mais c'est Hins Wantad, hein. Joseph Guy Repars, zo, on dit, n'a ce guette son air, ce classe, là. Ag, bon, zo, ve, hadkav, di, oberu, ne bablaio, zo. Ag, bon, Rins, ni wagre, d'or Parnasse breton. Ag, bon, gantude, beb sortude de ce vron, hein. L'art vigé Parnasse breton, plus dur, wa de Huls, le Parnasse français. Ou à Gantude, vel José Maria de Heredia, le comte de Lille. Ag, bon, rem, ou à un tom, horma meusmod, vide brezonneuk. Ag, crouet ou à bégante au gazette, na, ou à l'hermine. Gant botre de ka, ka potre douentoud, ou à que plar bid bajeuse de Houtz. Tim kier vige bid, mais non, or gazette. L'hermine, avigé, scrive trog en, tudvel Arthur de la Borderie, ou à, un din à neus labour de case ou à Ristor Brace, au nom de Zorédien, tant à neus labour de bonne larvée, n'est que de guire toute pèse de scrive, mais déjà, bon, peu de sgré de, au labour, mamestra, vest en neus gré ou à Ristor Brace, mames, ma, bon, tout, vel tout d'un historien, là, d'un autre, ou, Azo de Hadvel, hein, bon, c'est os clair. Vel Anatole Le Bras, hein, Anatole Le Bras, ou à Gand de Bazan Service. Bon, war tout de, pv comme de San Vellard, ou à Gand de Baduot, mais plutôt de Huls, Zan Service, ou à Baduot, dire. Mais de Gand de Bazan Service, hein, Idad, ou à Mesco, là, Nicolas Le Bras, hein, ou à Mesco, là, ou à Krog, de Zer, Itro, ou à Dand Vébreiz. Bonne fanchenu, là, zo, de ce pot de ce plouard, hein. Ag, Charles Le Goffic de ce la nuit, hein. À la, gazette, en zo, à hand, v'd l'hermine. Ag, vel meuslard, vige trop, kaitout, vige trop une galle, mais, même stras, au trop une braison, donc, vel, obérou, Tanguy Malmanche, hein, ne skate pijouroir, à Kalsdroel. Jan Berg, alors, ne scrive bars, hein, Narcisse Kélien. Bon, sais-tu, bon, tout n'en dutz, ou à divénérien, zévénadur braise, ou à dishen veloigne, ou à dachen or politiqué, razagemenos, ou hendel, mais, même stra, ou en tout, au tivén braise, à zévénadur. Bon, mais, de zéwa rogue, milno hantri, peut-être, jiwas ba, milno hantri, ou à bécondan, ou le d'or braison, donc de vervel, quand les mille combes, hein. Mais bien comme je descends déjà, hein. Hise wa personne pure de Jobogel là, et wa hise mevelen diaoul. Mais j'ai raison, je peux dire, puis wan bien, peux dire Rogel ou personne ma pure de trop blavé ou rentorcan. Avish penek, ni wa comme je tine de Zemil Combe, ni wa l'artine, hise wa mevelen diaoul. Ag, bon, zé vidan bugle, là, zé. Mivelezé, velondrat, spontus, hein. Bon, sais-tu, à Zévi de Lever, Jean Jalran et à Lever Bouiz, hein. Lever, zo bescrive, gand Jacques Aerlé, à Gimban, de gand, un imbanadur, yon, l'armatan. Musquelet, n'en roise, mais, Jean d'or. Bon, comme je me suis penadel galak, je suis de ce Joblervian. Joblervian, zoed nan laun, de ce que gual belzo, bel, scrivanier, hag braizad ma, mazo unan, mazo bel onan. Hag bon, kalze draun, de ce gred, hein. Hag bon, donc, hadlar, pis meuslar, bon, mai. Med, me meustra, bon, Jean Jalran, Pesneus Gret, Jobler vient, vous radkavet, gantudel, on débenneket, ag vos moyens, dont vos noirs, guardachen en prison, nec banilis, pes ve febel, on dravan, me mestroca, vec clet, cas de raison, nec kin banilis, a zizo, zizo, un tom, on dra, scri, jus gavstin, ve febel, ma, me mestra, hadlans, on trou, lac de, quand, plus dur, un dude, war ma, de antique ou raison, le voise, avait l'on fait là que des cantiques au galak, ag ne ce que de agin warang mot, cantiques au brésil. Bon, vichon montant wardash en zévenadur, crazen zone bakavan, ne zli de diugen là, ag crazen zone bakavan, ne zder zoter en labourat, war trop fentus on tom, war zone. Ag zezo dravat. Bon, comme zo madar ne ce que gual belzo de Guy Etienne, or médecine a zo aide de nanan, nag oa brezan le grand part. Ag cro guador, enfin, aye tos de aye oa tos de chui, or guerriadio oa revé d'isinaires. Me zang zo no lever a zo bedim banned, hein, a zezo in galag zoz ne gabrezonek. Hag in bande de gant preda, hag an in bande neus lar de oa hond de chui, pu dion neus dant vewar de spes neus leus ket Guy Etienne. Hag an se ma or diden et gant un trouz, gant un medicinaire, yeah. Peuske ve mont bars. Mais yo war man ster doar, hein. Mais de, bon, voilà, red, bob sortrou veget e brezonek. Warren Kedagé, moi, comme ze tard de Zlever Georges Cadius, au bescrive de Nevesso, Tripeber Misso, ou à Bédim Bandet, à Wanjonge de Gomsdar de Zé, mais de Jonge Aran de Mezankoat, à Diwar Ben, un daran prédoutre et un tuclay, à Gerbrezan, un tuclay, à Gervro Bénéfine, Pesve Goule de Vidervro. Hag leverze et hanve de la gauche française et la revendication bretonne. Bon, diskera pe sa mot bénéfine te derma de Jacobine et de vous traire war nanin que Jacobine et quoi. Jean Jalran manigebe gred or studi war un tu dero vigebe mamesmode evel juste quoi. Bon, Georges Cadieu, mais en gros, bah, ou à refotade, ou y veille, de ce mesclave, quoi. Bon, c'est une même grêle, on tombe trop, à Pessonneve et Bavro, à la Ramdar, Tienorvégel, hein, Chiloé, en RKB.